C'est depuis le Les temps de Tudors ou nos quoi? grands-parents. Ben, ils ne parlaient que sur des proverbes, surtout les griots. La plupart de la quasi-totalité de nos chansons sont bâties de proverbes. Par exemple, un proverbe comme quand quelqu'un dit, par exemple, Ni tatou ma bande, ton tata, ton sangafo. Ça, c'est en bambara. Cela veut dire, tant que le feu de brousse n'est pas fini, l'autre sauterelle ne peut pas le souhaiter condoléances à son ami sauterelle. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça, on n'a même pas besoin d'expliquer à quelqu'un.